Le coucher d'un petit garçon. Couchez-vous, petit Paul, il pleut. C'est nuit, c'est l'heure. Les loups sont au rempart, le chien vient d'aboyer. La cloche a dit « Dormez !» et l'ange gardien pleure. Quand les enfants si tard font du bruit au foyer, je ne veux pas toujours aller dormir, et j'aime à faire étinceler mon sabre au feu du soir. Et je tuerai les loups, je les tuerai moi-même. Et le petit méchant tout nu vint se rasseoir. Où sommes-nous, mon Dieu? Donnez-nous patience. Et surtout soyez Dieu, soyez lent à punir. L'homme qui vient d'éclore a si peu de science. Attendez sa raison, mon Dieu, dans l'avenir. L'oiseau qui brise l'œuf est moins près de la terre. Il vous obéit mieux au coucher du soleil. Un par un descendu dans l'arbre solitaire, sous le rideau qui tremble, ils plongent leur sommeil. Au colombier fermé, nul pigeon ne roucoule. Sous le cygne endormi, l'eau du lac bleu s'écoule. Paul, trois fois la couveuse a compté ses enfants. Son aile les enferme, et moi je vous défends. La lune qui s'enfuit, toute pâle et fâchée, dit « Quel est cet enfant qui ne dort pas encore ?» Sous son lit de nuages, elle est déjà couchée. Au fond d'un cercle noir, la voilà qui s'endort. Le petit mendiant, perdu, seul à 7 heures, rôdant avec ses pieds las et froids, doux martyr, dans la rue isolée où sa misère pleure, mon Dieu, qu'il aimerait un lit pour s'y blottir. Et Paul, qui regardait encore sa belle épée, se coucha doucement en pliant ses habits. Et la mère bientôt ne fut plus occupée qu'à baiser ses yeux clos par un ange assoupi.